Toto, mange ta soupe. Mange ça. Ça, je veux pas manger ma soupe. C'est curieux, ça, j'ai pas envie de manger ma soupe. Je te demande pas de discuter, mon fils. Moi, ton père, je te dis de bouffer ta soupe tout de suite, parce que tout à l'heure, je vais m'énerver. Je prends la soupière, je la fous sur la tranche, arrête vite. Hein. Là, mon papa, il veut m'ébouillanter. Les voisins. Mais dis donc, oh, tu vas pas ameuter tout Marseille. Parce que tu veux pas manger ta soupe, mange-la tout de suite. Je la mangerai, papy, je la mangerai. Moi, ça, j'ai pas envie de manger ma soupe. Je la mangerai pas, je la mangerai pas. Mais là, écoute, écoute. Moi, j'ai travaillé 8 heures. J'ai eu des chefs toute la journée. Toute la semaine. Or, quand je rentre chez moi, je veux un peu de calme. Mange ta soupe tout de suite. Ça, écoutez, mon gendre. Il me semble que pour l'éducation de votre enfant, alors vous la belle-mère, foutez-moi la paix, c'est pas le moment, hein? Parce que tout à l'heure, je vais m'énerver, vous allez monter sur votre vélo, vous allez rentrer chez vous, vous allez rattraper Anctil, hein? Il y a papa, il veut que je te l'aime bien, alors. Connu honorablement au panier. Silence. Tais-toi, tais-toi. Dis-moi un peu ce que tu veux manger si tu veux pas manger ta soupe. Eh ben, je vais manger. Ça, je n'y attendais pas, alors. Je vais manger une andouille. À cette heure-là, on mange pas d'andouille, on mange sa soupe. Voilà, pourquoi tu me l'as demandé? Discute pas, fils d'imbécile. Fais attention à ce que tu dis, hein? Parce que si tu veux jouer les idiots avec moi, eh bien nous serons deux. Et c'est toi qui perdras. Mange ta soupe. Moi, je veux manger une andouille. Non, tu ne mangeras pas d'andouille. Ah! Ah! Les voisins. Oh! Le père, excédé, descend les escaliers, 4 à 4. Il réveille le charcutier, il revient avec une andouille. Donc tu m'interces aussi? Moi, je veux que t'en manges un morceau avant moi. Que moi, je mange un morceau d'andouille? Jamais. Peut-être que tu veux m'empoisonner. Non, mais t'es dingue. Mange un morceau. Non, je ne mangerai pas. Les voisins. Arrête de hurler. Arrête-toi, je t'en supplie. Je vais le manger. Ton blabou. Mais après, je te fais te rappeler, hein. Me faire manger dans lui, moi, un homme de mon âge. Qu'il n'est pas convaincu, ma parole. Là, t'es content? Je l'ai mangé, ton morceau d'andouille. Les voisins, Bourrodin. Comment ça? T'as pas voulu manger ta soupe? Tu ne l'as pas mangée. T'as voulu que je t'apporte une andouille? Je l'ai apportée. T'as voulu que j'en mange un morceau, je l'ai mangé, et tu chiales encore? Pourquoi?